Bonjour et bienvenue dans le nouveau magazine scientifique de France Inter, du vent dans les synapses, 2 heures pour exercer notre curiosité tous azimuts dans les labos et sur le terrain. Que pouvait-on entendre en déambulant dans les rues de Paris au XVIIIe siècle ou sur le port de Nantes il y a plus de 100 ans? Voilà le genre de questions que se pose l'archéologue des paysages sonores Mylène Pardoen. Dans un instant, nous allons découvrir comment cette chercheuse parvient à restituer des ambiances sonores d'époque lointaine et révolue. Vers 15h40, dans l'actu scientifique de la semaine avec Cécile Bonneau et Sophie Bécherel, nous parlerons entre autres de l'effet des accouchements par césarienne sur la santé des bébés et des nouvelles fouilles entreprises sur le site de la tombe de la Dame de Vix. À 16h, nous partirons étudier les cratères d'impact que l'on peut observer à la surface du globe et qui témoignent de collisions parfois cataclysmiques entre notre planète et des astéroïdes. Que révèlent-ils ces cratères de l'histoire de la Terre? C'est ce que nous verrons avec le planétologue Sylvain Boulet. Et en toute fin d'émission, nous nous intéresserons à l'un des pionniers de la police scientifique, Alphonse Bertillon, dont les travaux sont présentés dans une nouvelle exposition aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet. Elle a été préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Tiffany Battistel et Nicolas Slimani. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Il suffit d'un casque sur les oreilles pour faire un bond de 2 siècles en arrière. Ça n'a l'air de rien, mais cette balade en images et en sons, c'est de l'archéologie sonore. De là où vous êtes, sur le quai des Tuileries, vous voyez parfois passer un bateau. Mais la Seine est vide. Au XVIIIe siècle, du même endroit, vous auriez vu stationner sur les berges plusieurs bateaux, portant chacun 24 blanchisseuses en plein travail. Et des bateaux comme celui-là, il y en avait au moins 80 à Paris. Car la Seine était alors une immense blanchisserie. Odeur du savon, fureur des bras rincassés, linge pilé à coups de battoir, les rires mêlés au grand gargouillement de l'eau. Les blanchisseuses étaient tenues de travailler sur ces bateaux. Mais beaucoup préféraient s'installer sauvagement sur la berge. Bonjour Mylène Pardoen. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS, archéologue des paysages sonores, et l'on entend actuellement un paysage sonore que vous avez recomposé. Nous sommes sur les quais de la Seine à Paris au XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française. Aidez-nous à analyser ce que l'on entend là actuellement. Ce que l'on va entendre autour de la Seine, ce sont tous les métiers qui ont trait à la Seine par elle-même. Donc on a bien sûr les lavandières qui sont en dessous des ponts hein, par rapport à la situation de mon travail. On a également tous les métiers qui sont liés à la peau, donc les peaussiers, les pelletiers, les tanneurs, tous ces métiers-là qui sont très bruyants, très puants aussi. Juste en face, dans ma restitution, on entend également la pompe Notre-Dame avec ses deux moulins. Une scène qui est beaucoup plus bruyante puisque les ponts sont à 5 arches. Et puis, toute la faune. Donc, vous avez énormément d'oiseaux, parce qu'il y a de quoi manger. Entre les déchets qui viennent des bateaux-moulins un peu plus haut, les déchets qui viennent des poissiers et des tanneurs, vous avez également deux bouches d'égout qui descendent de la boucherie et qui viennent se déverser dans la Seine. Et dans cette Seine, dont on boit l'eau, eh bien, on va laver également le linge. Ce travail de reconstitution des ambiances sonores du Paris du XVIIIe siècle, vous l'avez fait pour tout un quartier. Hein. L'idée a germé alors que vous observiez un plan de Paris dessiné par l'ingénieur Louis Bretèze. À quoi ressemblait-il ce plan ? Eh bien, ce plan, il est intéressant parce qu'il est en 3 dimensions. C'est un plan dit en perspective cavalière. Aujourd'hui, on parlerait de perspective cavalière. Ce plan, il a été sonore pour moi. Alors, c'est-à-dire que vous l'avez regardé tout de suite, vous avez entendu quelque chose. Toute la Seine. La Seine, elle est vivante. Tous les autres quartiers sont morts. Il y a pas de personnages, il y a pas de petits véhicules, il y a rien du tout. Mais la Seine, tout de suite, elle a sonné à mes oreilles. Et pratiquement simultanément. J'ai accoquiné, on va dire, les livres de Louis-Sébastien Mercier, Le tableau de Paris. Ouais. Donc il en a fait une partie avant la Révolution et une partie après la Révolution. Et dans ces ouvrages, ces petits fascicules, ce sont des portraits d'un Paris du quotidien. Et là, c'est également très sonore. Mmh. En fait, c'est plus que sonore. C'est sensoriel. parce que tous les sens sont dans ces petits paragraphes. Alors, vous avez donc procédé méticuleusement. Vous avez d'abord reconstitué une maquette virtuelle de ce quartier pour en avoir les reliefs qui, en 200 ans, ont changé, ne serait-ce que le sol a changé au niveau du centre de Paris. Tout à fait. Mais moi, dans ma grande folie, je voulais faire tout Paris. Oui. Et donc, assez rapidement, comme il fallait faire une maquette, les graphistes avec qui j'ai travaillé m'ont dit « Non, il faut peut-être réduire la zone. » Donc, on a circoncis une zone de 50 hectares autour du Grand Châtelet. Mmh. Pourquoi cette zone? Parce qu'elle représente à peu près 80% de tous les scénarios que l'on peut modéliser pour en refaire d'autres. Sur cette zone-là, on a plein de métiers, mais vraiment tout type de métiers. Alors, comment on opère quand on part de rien dans le passé? Eh bien, on va mener une enquête dans toute la documentation qui peut exister, textuelle ou iconographique. Et on va recouper les informations jusqu'à avoir une trame qui est la plus proche possible d'une possible réalité. Quand on a les informations qui viennent et qui s'agrègent en se disant « celle-là, je la trouve une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois », on se dit qu'on est quand même proche de ce qui pouvait exister. Et les sources, hein, les sources, ça peut être des documents administratifs, des baux de location, les registres des impôts, des peintures. Un exemple de peinture sur lequel vous êtes appuyé? Eh bien sûr, le Naudet. Le tableau de Naudet qui représente le Grand Châtelet, mais pas seulement. On a également des objets du quotidien qui sont très illustrés. On a des gravures. Du côté des textes, on a à la fois de la documentation administrative, donc tous ces registres qui permettent de localiser les artisans. Et après, c'est presque simple. Ouais. On a une information, on trouve un indice sonore, on va tirer le fil. Ouais. Alors, il y a tout ce travail sur les outils, et puis il y a aussi la destination même des bâtiments. Il faut dire que ce quartier du Châtelet, en 200 ans, a terriblement changé. Vous voilà au Châtelet. Fermez les yeux. Oubliez tout ce que vous voyez du centre de Paris aujourd'hui. Ces salles de spectacle, ces beaux cafés, ces touristes. Au XVIIIe siècle, à la place du théâtre du Châtelet, il y avait une prison. Un vrai château fort, haut lieu de l'autorité du lieutenant général de police. Autour de la prison, c'était le quartier des bouchers, où tous les animaux arrivaient pour être abattus. Ouais, là, au cœur de Paris. Essayez d'imaginer l'immense désordre de bœufs et de moutons conduits à l'abreuvoir par les ruelles sinueuses et surpeuplées du quartier. Une prison remplacée par un théâtre, rien que ça doit avoir une influence sur l'ambiance sonore du lieu, Mylène Pardoen. Et pas seulement le fait que la prison elle soit sur place. La prison, elle est dans un creux. Ouais. Donc comme elle est dans un creux, les acoustiques de cette place qui s'appelle la Porte de Paris, elles sont complètement modifiées. Et les rues adjacentes, elles aussi, elles ont été complètement transformées par les travaux haussmanniens. C'est-à-dire que les rues se sont élargies en 200 ans. Oui, on ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé. Haussmann, il a arasé tout ce qui dépassait quand c'était des monticules et il a rempli les creux. Et les rues, il les a élargies. Donc nous, quand on est au XVIIIe siècle et qu'il n'existe pas de triangulation, qu'est-ce qu'il nous reste pour essayer de deviner comment sont la largeur des rues? Ouais. Et ça, c'est important, ne serait-ce que sur la façon dont le son rebondit tout sur les parois de la ville. Tout à fait. Eh bien, on s'appuie sur les carnets de taxi de l'époque, qui sont les carnets des cochers. Ouais. Et dans ces carnets de cochers, on a la localisation des rues, des quartiers, la longueur des rues et surtout le nombre de carrosses qui passent en vis-à-vis. Après, c'est simple. Ouais. On fait juste une petite multiplication. On prend la largeur d'un carrosse et on a la largeur de la rue. Ouais. C'est une véritable enquête minutieuse que vous avez menée. Et alors, une fois que vous avez identifié, par exemple, les différents corps de métier, les artisans répartis dans la ville, vous savez où ils se trouvent, vous savez quel type de métier ils font. Et là, vous en déduisez un son? Je ne déduis rien. Je n'invente pas les sons. Ouais. Ce que vous entendez dans la fresque, ce sont des sons du passé qui sont dans notre présent. Donc je remène une enquête dans le présent pour savoir si ces sons existent encore. Un exemple, par exemple, les métiers à tisser, ils existent encore? Oui, ils existent encore. À Lyon, on a encore ce qu'on appelle le bistanclaque. Ouais. Donc on va aller chercher ce métier pour l'enregistrer et pour l'insérer dans la fresque. Ouais. Par exemple, dans la fresque, juste sur le coin de la pointe du pont au change, il y a trois métiers à tisser. Ouais. On l'entend là, ce métier à tisser. C'est vous qui avez enregistré ces sons pour ensuite les inscrire dans la fresque de votre Paris sonore. Et ça, vous l'avez fait pour différents métiers. Il y avait à Paris, il y a plus de 200 ans, des imprimeurs. Quel bruit ça fait, un imprimeur ? Eh bien, un imprimeur, ça fait... Il y a plusieurs bruits qui sont typiques. Le bruit, par exemple, des caractères que l'on en plomb, que l'on pose sur la casse, que l'on entend. Ensuite, eh bien, on va entendre la machine par elle-même qui va pouvoir fonctionner plus ou moins rapidement, hein, puisqu'il ne travaille jamais seul et il a des ce qu'on appelle des arpètes ou des aides. Le métier des tanneurs également. Alors, comment procédaient-ils, les tanneurs ? Alors, les métiers des tanneurs grattent les peaux. Une fois que les peaux sont grattées, c'est-à-dire qu'elles sont nettoyées, alors à l'intérieur, on va enlever les chairs, mais on peut aussi enlever les poils. Pas toujours, mais parfois. Donc on entend les peaux en train d'être grattées. Et puis ensuite, elles sont trempées dans un bain de tanin, voire des bains d'autres produits qui vont nettoyer le cuir et le rendre plus souple. Ils mettent sécher ces peaux et ils les roulent pour éviter qu'elles ne cassent. Alors vraiment, il y a le souci du détail. Donc tous ces sons, ensuite, vous les replacez dans la ville. Vous avez été jusqu'à réfléchir au bruit que faisaient les mouettes à l'époque. Et vous vous êtes rendu compte que les mouettes que l'on entend aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes qu'il y a 200 ans. Expliquez. Alors c'est pas moi qui me suis rendu compte, mais quand je fais écouter mon travail à d'autres chercheurs d'autres disciplines, eh bien j'ai des informations qui viennent, qui sont critiques, et c'est ça qui est intéressant. Et pour la mouette, le chercheur en question m'a dit non, mais attends, c'est vraiment pas la bonne mouette, la mouette de l'époque. C'est une mouette qui faisait pas quick-quick, c'est une mouette qui faisait plutôt crac-crac. Donc il a fallu retrouver la mouette crac-crac. Ouais. Et ce sont des mouettes que l'on trouve plutôt maintenant en Allemagne. Ouais. C'est-à-dire qu'en 200 ans, les espèces de mouettes ont changé sur Paris. Oui, oui. Ouais. Chaque détail compte. Hein. Par exemple, une activité de boucherie peut impliquer la présence de mouches. Alors vous rajoutez des petits sons de mouches. On imagine les pistes sonores que vous devez empiler pour créer ces reconstitutions. Ben, les mouches, elles sont aussi attestées dans les écrits de Louis-Sébastien Mercier. Donc là, c'est plus facile. C'est plus compliqué quand on est obligé de restituer, par exemple, le positionnement des hirondelles ou des martinets. Donc les hirondelles et les martinets, on a trouvé, c'est attesté, il y avait des nids de ces oiseaux-là sous les voûtes du Grand Châtelet. Ce qui fait que, comme il fallait nettoyer, puisque ce sont des oiseaux qui attaquent les voûtes, on a le positionnement des martinets. On sait de quel côté ils vont, puisque d'un côté, il y a la triperie, et de l'autre côté, il y a un marché aux poissons morts. Comme on est au XVIIIe siècle, pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, que la Seine est plutôt restitue une période plutôt chaude, on s'imagine la puanteur et la présence de ces insectes. Ouais, vous faites revivre complètement ces quartiers, jusque dans le rythme des pas des habitants de la ville à cette époque. Vous avez, grâce à vos recherches et en discutant avec les historiens, vous avez établi qu'il y a 200 ans, on marchait plus lentement dans les rues de Paris. Oui, beaucoup plus lentement. Mais c'est normal parce que on n'est pas chaussé de la même manière. Le pavé, il est complètement différent, il est souvent glissant. Et le poids des vêtements est aussi beaucoup plus lourd. Donc on est plutôt dans la l'attitude plus lente, même si certains courent. Hein. Mylène Pardoen, on remarque dans vos restitutions sonores qu'il y a très peu de voix. On entend des fois des brouhahas, des fois des onomatopées, mais peu de dialogue. Pour quelle raison ? Alors oui, c'est de l'oralisation et pas de la verbalisation. Parce que, alors je suis chercheur et un chercheur, ça cherche un pouls sur la tête d'un chauve. Pas facile à dire. Mais alors, il y a 5 niveaux de parler à Paris. Et comme je cherche à restituer le plus proche possible d'une possible réalité, c'est pas le même langage qu'aujourd'hui, ce sont pas les mêmes accents. On est plutôt sur des mélanges de patois qui arrivent à se comprendre. Donc cette articulation-là, elle est très complexe, donc pas de voix. Par contre, il y a une étude qui sera lancée sur comment on parlait le patois parisien au XVIIIe siècle. C'est ça, il faut bien se mettre en tête que ces époques, il n'existait pas à ces époques de phonographes pour enregistrer le son. Donc il y a des tas de choses qui ne sont pas évidentes. Et savoir quels étaient les accents à l'époque, le rythme de la parole, le champ de la voix par elle-même. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle le français, on a quand même une ligne qui est relativement plate, même par rapport à d'autres langues. Donc, il faut essayer de remonter, à nouveau faire des enquêtes et remonter le temps pour comprendre comment ça s'articule. Alors, vous n'avez pas uniquement travaillé sur Paris, vous avez aussi reconstitué l'ambiance sonore du port de Nantes. À quelle époque ? 1900. 1900. Comment vous avez travaillé pour cette ambiance du port de Nantes ? Eh bien, c'est pareil, on mène une enquête en cherchant... déjà, on commence à faire une aire géographique. Donc là, c'était autour du pont transbordeur de Nantes. Et on cherche les activités, toutes les activités. Donc on est sur un mixte encore. Hein. On est sur des activités encore très hippomobiles. Et puis, on commence à avoir un peu de mécanisation. Donc il a fallu jouer avec tout ça. Essayer de comprendre également le bruit de tout ce qui est qui touche à la navigation, qui n'était pas forcément mon domaine de prédilection. Donc, on retrouve les chercheurs, on dialogue avec eux, ils nous donnent des pistes de recherche, et puis on remonte le temps, et puis on fournit une fresque sonore qui est adaptée à ce que l'on désire. L'archéologie du paysage sonore est une discipline que vous avez inventée, Mylène Pardoen. Mais avant d'exercer ce métier, vous avez commencé votre carrière chez les militaires, puis vous êtes passé par la musicologie. Nous allons revenir sur votre parcours atypique dans un instant. Et puis vous nous parlerez aussi de l'acoustique de Notre-Dame. Vous faites partie des experts scientifiques pour la restauration de la cathédrale. Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie. Sur la plage du Crotoy, des gens qui rient. Ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris. Sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers. Dans les cabines de plage, derrière. I'm 50s. I'm 50s. Dans le radiola, André Verschuren. Les enfants soldats dans les montagnes algériennes. La Picardie est belle sur la route ravie. En haron de plein ciel qui rentre à Paris. I'm 50s. I'm 50s. Rue Campagne Première, personne le ramasse. Quand il tombe par terre, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Au salon de l'auto sous le dôme, touche pas au Grisby du con. Dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, y a un coiffeur. I'm 50s. I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard. I'm 50s. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille, Patrick. I'm 50s. Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux. C'est l'heure exquise, Viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise. Am 50s, c'était le nouveau Alain Souchon. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Sacré bondon, on ne va pas rester planté ici sous les mannequins pour qu'il gagne la bataille seulement avec ses yeux. Il voulait le plateau de Pratzen comme dessert, offrons-lui en rendez-vous. C'est nous, la musique au milieu du bataillon, il a dit. On va leur percer le flanc. En avant la musique. Un extrait du film Austerlitz d'Abel Gance, Mylène Pardoen, archéologue du paysage sonore. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance sonore de cette bataille napoléonienne imaginée pour ce film ? Imaginée, vous l'avez bien dit. C'est tout à fait ça, c'est imaginaire. On est plus sur du ce qu'on appelle du sound design, c'est-à-dire qu'on va amplifier certains sons et certains bruits pour générer des émotions. Ouais. Et qui plus est là, les canons, c'était pas du tout ça. Donc c'était pas du tout ça. Pourquoi ? C'est intéressant de voir la différence entre justement le travail de ces bruiteurs et votre travail à vous d'archéologue sonore. Parce que les canons d'époque étaient des canons à boulets. Et ça fait pas ce bruit-là, un canon à boulet, donc voilà, ouais. C'est un truc tout bête. Mais si on met un vrai canon à boulet, je pense que ça parlera pas aux oreilles du spectateur. Ouais. Donc c'est toute la différence entre un scénariste, un réalisateur qui veut susciter une émotion et vous qui voulez restituer des sons possibles du c'est passé. Ça. Moi je surfe pas sur les émotions. Et j'ai pas le ce qu'on appelle l'effet fausse d'orchestre qui existe partout au cinéma ou dans les jeux vidéo. Donc si j'arrive à générer de l'émotion, c'est parce que ça parle à votre ADN sensoriel, parce qu'on a tous un ADN qui est unique, qui est le nôtre, et ce qui peut vous parler à vous, ça parlera peut-être pas à votre voisin. Donc j'essaie de faire le plus neutre possible pour simplement restituer des ambiances sonores, c'est tout. Alors, ce film, c'était un clin d'œil à votre parcours, car vous avez étudié la musique militaire et puis les ambiances sonores de bataille. À vrai dire, vous êtes une chercheuse au parcours totalement atypique, hein, Mylène Pardoen. À 50 ans passés, vous avez tout récemment intégré le CNRS, mais vous avez commencé votre carrière dans l'armée. Vous n'aviez pas le bac, hein, vous êtes rentrée très jeune dans l'armée, vous y avez passé 17 ans. Vous avez même été pendant de nombreuses années mécanicienne d'hélicoptère. C'est important d'avoir l'oreille quand on répare des hélicoptères ? Oui, mais il n'y a pas que l'oreille, c'est qu'en tant que militaire, on se sert de nos cinq sens et je pense que ça a été très important parce que ça nous marque profondément. Donc on travaille autant avec ses oreilles, le nez, la peau, le toucher, la vue, on travaille avec la totalité de nos sens. Et en tant que mécano, oui, on travaille, même si on a le casque sur les oreilles, au moment où démarre l'hélicoptère, parce qu'il fait beaucoup de bruit, on travaille avec nos oreilles, oui. Et après avoir passé 17 ans dans l'armée, vous avez repris vos études, d'abord en musicologie. Vous êtes intéressé à... Vous avez fait une thèse sur la musique militaire. Sur quoi portait votre thèse exactement ? Eh bien, les musiques militaires, à l'époque, enfin, avant la Révolution française. Et alors ensuite, peut-être suite à cette thèse sur la musique militaire, le musée des Invalides vous contacte pour sonoriser des plans de bataille. Et vous voilà petit à petit parti dans cette aventure de la restitution des paysages sonores d'autrefois. Alors le musée des Invalides m'a demandé d'être expert, donc j'ai pas mis tout de suite les mains dans la matière son. Par contre, j'ai détecté un besoin au niveau des musées sur une restitution sonore qui est à des caractéristiques scientifiques. Et c'est à l'issue de cette expérience que j'ai mené une première enquête à savoir si c'était un vrai besoin ou pas. Et c'est là où je me suis dit, il y a un vrai besoin, je vais réfléchir à comment faire une ambiance sonore qui soit historiquement et scientifiquement crédible. Vous avez tout simplement inventé une nouvelle discipline scientifique, l'archéologie des paysages sonores, Mylène Pardoen. J'imagine, vous ne pensiez pas, en commençant votre carrière chez les militaires, qu'un jour vous viendriez raconter ça à la radio. Alors, aujourd'hui, votre travail est reconnu, on en a eu un aperçu dans la première partie de l'émission, et vous êtes devenu une référence dans le domaine de l'acoustique et de la restitution des sons du passé. C'est donc tout naturellement que, suite à l'incendie de Notre-Dame, on a fait appel à vous. Vous faites partie des experts scientifiques pour la restauration de la cathédrale. Quelle mission vous a-t-on confiée exactement ? Eh bien, au niveau du groupe acoustique, nous sommes deux, on est un binôme, parce que moi je fais les ambiances sonores, et une ambiance sonore sans son enveloppe acoustique, eh bien, elle ne peut pas vivre. Donc avec mon collègue Brian Katz, qui est directeur de recherche à la Sorbonne, à l'Institut Le Rond d'Alembert, nous travaillons de concert pour retrouver les caractéristiques acoustiques de Notre-Dame. Alors voici un aperçu de la façon dont résonnaient les sons à l'intérieur de Notre-Dame avant l'incendie. Des concerts étaient régulièrement donnés dans la cathédrale Notre-Dame. Est-ce que l'acoustique de cette cathédrale était unique, Mylène Pardoen ? Alors, chaque bâtiment, chaque lieu a une acoustique qui est pratiquement unique. Donc celle de Notre-Dame, elle est unique. Et le but de nos travaux, ce sera réellement d'essayer de retrouver cette acoustique pour que l'orgue, qui est réputé être encore en bon état, puisse retrouver son cocon acoustique. Ouais. Mais c'est possible, ça, d'imaginer que la reconstruction de Notre-Dame ne modifie pas l'acoustique du bâtiment ? On va tout faire pour. Ouais. Donc nous, c'est avec des calculs, des projections, et on espère que les artisans et les décisions qui seront prises pour restituer Notre-Dame iront en ce sens-là. Ouais. On fait que des préconisations, on fait rien d'autre. Ouais. Il faut dire que vous disposez d'outils intéressants, puisque avant l'incendie, le collègue chercheur avec lequel vous travaillez avait modélisé sur ordinateur, en trois dimensions, l'acoustique de la cathédrale. Donc vous avez finalement une base tangible de ce qu'était l'acoustique du bâtiment. C'est ça, on a un premier modèle en 2013 de l'acoustique du bâtiment qui va nous servir de référence, de point de référence. Et lorsqu'on pourra rentrer dans Notre-Dame, on va faire une première série de captations qui nous donnera un modèle T0. Et on va pouvoir capter l'évolution de cette acoustique au fur et à mesure des travaux. Alors vos travaux intéressent de plus en plus de chercheurs, on l'a compris, et puis beaucoup de musées aussi. Récemment, pour le musée de Versailles, vous avez reconstitué l'ambiance sonore de la cour royale au XVIIe siècle. Nous sommes donc à Versailles, au XVIIe siècle. Qu'est-ce que l'on entend dans ce que l'on vient d'écouter ? Là, dans ce qu'on vient d'écouter, on entend des portes qui s'ouvrent, on entend de la foule dans un escalier, et puis c'est les préparatifs à l'entrée du roi, en fait. Ça prend beaucoup de temps de reconstituer comme ça un tableau sonore ? Oui. Alors, juste pour la partie visite de l'iceberg, c'est-à-dire sans parler du temps de recherche par lui-même, mais juste pour la reconstitution, pour donner un ordre d'idée, pour 6 minutes, il faut 60 heures de travail. Ouais. Quelle est la période la plus ancienne sur laquelle vous avez travaillé pour restituer une ambiance sonore ? Le 3e siècle après Jésus-Christ, pour le musée archéologique de la crypte Notre-Dame, justement. Alors là, nous sommes donc 3 siècles après Jésus-Christ. Nous sommes où exactement ? Alors, on est sur un quai, sur le bord de la Seine, et il y a un port fluvial. Et donc, il a fallu, là aussi, comprendre l'articulation des diverses activités qui se déroulent sur ce port. Donc, il y a trois chantiers principaux. Là, on va décharger les marchandises. Ensuite, vous avez une zone que nous, on appellerait marchand de gros. où on commence à avoir des échanges. Et la troisième zone, c'est une zone de marchandises de vente de détail. Mmh. Sur la totalité du port, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les docks, ils sont vides, il y a juste les gens qui travaillent. Là, à cette époque-là, il y a vraiment une vie intense. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des soldats. Donc voilà, le but, c'était de comprendre cette articulation, tous ces bruits qui venaient et qui étaient très denses. On peut remonter jusqu'où, comme ça, dans le temps, pour restituer des ambiances sonores? Mais, tant qu'on trouve de la documentation, on peut y aller. On peut trouver, alors avec un coefficient d'erreur qui sera de plus en plus grand, important, mais tant qu'on a de l'information, c'est-à-dire des fresques gravées, des témoignages écrits, on peut restituer. Moi, je ne me lancerai pas à restituer le cri du dinosaure, qu'il soit en rut ou pas, je n'irai pas jusque-là. Mais par contre, pourquoi pas l'Égypte antique, remonter 4000 ans en arrière? Oui. Si on arrive à retrouver suffisamment d'informations, oui, c'est possible. Quels sont les projets de restitution sonore sur lesquels vous travaillez actuellement, Mylène Pardoen? Alors, j'en ai plusieurs. J'ai un projet qui s'appelle Vespace, qui est avec l'Université de Nantes et l'Université de Louisiane. C'est la restitution d'un théâtre de marionnettes au XVIIIe siècle sur la foire Saint-Germain. Mmh. Et là, le but, ce sont les ambiances sonores à l'intérieur du théâtre, qui est un petit théâtre en bois. Mmh. Et comme c'est un théâtre de marionnettes, derrière, on a les cintres qui donnent dessus. J'ai un projet sur Lyon, au 19e siècle. Alors là, on est plus sur de la diachronie, c'est-à-dire on va faire entre le début et la fin du 19e siècle sur un quartier qui est entre les deux fleuves, parce qu'on a des ambiances qui sont complètement différentes entre les bistanclaques que l'on a entendu tout à l'heure et puis ces deux fleuves. Ça, ce sont les métiers à tisser. Hein, les métiers à tisser, ouais. Typiquement lyonnais. Ouais. Et puis, j'en ai plein d'autres qui viennent s'agréger. Et surtout, je suis en train de sonoriser une exposition qui se déroulera aux Archives nationales pour la police des Lumières. Merci Mylène Pardoen. Je signale que début octobre, le musée des Confluences à Lyon, justement, proposera de découvrir votre restitution sonore du Paris du XVIIIe siècle en écoute spatialisée. Et puis nous allons mettre sur la page du Vent dans les Synapses sur franceinter.fr plusieurs liens qui permettent de découvrir et d'écouter plus en détail votre travail de restitution sonore. Un grand merci à vous, Mylène Pardoen. Merci de m'avoir invité. À 16h, avec le planétologue Sylvain Boulet, nous partirons explorer les gigantesques cratères d'impact découverts sur Terre qui témoignent du percutant passé de notre planète. Et dans un instant, dans la revue d'actu, nous parlerons entre autres d'une étude sur l'accouchement par césarienne et puis des nouvelles fouilles entreprises sur le site archéologique de la tombe de la Dame de Vix. Rap singer, the hook master, real life rhyme, big son of a gal. Heart made of stone, why you groom so cold? 'Cause my girl up and gone, she'll be back in the morning. Go to mama, take your drama. Seems like I can't live it down. I ain't getting more, 'cause my heart is broke. 'Cause my love went wrong. Yeah, another bag and she love me in the mall. Water bubble over stove. As I was dreaming of a bag, when I woke, it was starting to snow. Oh, yeah. And in a bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me. That's just the way things have to be. My cup was empty, you could feel it. Yeah. c'était What Can We Do, Anderson .Paak. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Et pour revenir sur l'actualité scientifique de la semaine, autour de la table, Cécile Bonneau de Science et Vie et Sophie Becherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Cécile, une nouvelle étude portant sur la santé des bébés nés par césarienne. Oui Daniel, depuis quelques années, on parle beaucoup du déficit en microbes dont souffriraient les bébés nés par césarienne. En effet, au cours d'un accouchement par voie basse, le nouveau-né est littéralement ensemencé par les bactéries vaginales et intestinales de sa mère. Et même si ça peut paraître un tout petit peu dégoûtant, c'est tout à fait bénéfique au bébé, ça lui permet de constituer sa flore microbienne. Flore microbienne sans laquelle on ne vivrait pas en bonne santé, hein, puisqu'elle participe à la digestion et à l'immunité notamment. Mais alors, les bébés nés par césarienne reçoivent moins de microbes que les autres et c'est ça leur problème ? Alors non, ils n'en ont pas moins, mais leurs microbes ne viennent pas du même endroit. Du coup, ce ne sont pas les mêmes familles de bactéries et on soupçonne depuis un moment que cela puisse avoir un effet sur la santé de ces bébés, même à long terme. Alors justement, pour mettre les choses bien à plat et savoir bien précisément quelles bactéries sont présentes dans les intestins des bébés, des chercheurs britanniques ont fait une étude de très grande ampleur. Ils ont analysé 1679 échantillons de caca, recueillis auprès d'environ 600 bébés nés par les deux méthodes, à plusieurs moments de leur carrière de bébé, hein, à 4 jours, à 7 jours, à 21 jours et à environ 9 mois. J'adore l'idée de carrière de bébé. Donc ça représente une belle petite montagne de couches. Ouais. Et ils ont étudié tous ces échantillons au microscope ? Alors non, ils ont fait bien plus fort, ils ont pratiqué une analyse génomique. Ils ont mesuré la proportion exacte de tous les types de bactéries présents en reconnaissant leur ADN. Et là, ils se sont rendus compte que les microbiotes des bébés césariennes et voies basses était encore plus différent que ce à quoi on s'attendait. Du coup, très facilement, juste avec un échantillon de sel de bébé, vous pouvez à coup sûr deviner comment il est né. Enfin, c'est si vous avez un analyseur génomique, évidemment. Donc d'abord, les bébés nés par voie basse possédaient finalement très peu de bactéries vaginales de leur mère, mais énormément de bactéries intestinales, ce que les bébés césariennes n'ont pas du tout. Alors c'était important de montrer ça parce qu'il y a une toute petite mode qui est en train de se développer qui consistait à vouloir imprégner de bactéries vaginales a posteriori les bébés nés par césarienne. Donc ne le faites pas chez vous, c'est une très mauvaise idée, c'est même un peu dangereux. Donc les bébés voies basses ont un microbiote plein de bactéries intestinales de leur mère, des bonnes bactéries comme les Bacteroides, les Bifidobacterium et les Escherichia, alors que les bébés césariennes ont des bactéries comme les Enterobactères, les Streptocoques, les Enterocoques, qui sont des bactéries caractéristiques de l'environnement hospitalier. Donc ce sont potentiellement des pathogènes et pour certains, on le sait, des pathogènes résistants aux antibiotiques. Alors il ne faudrait quand même pas inquiéter ou culpabiliser tous les jeunes parents dont le bébé est né par césarienne. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, pas de panique, hein, parce qu'assez vite, le microbiote des bébés de césarienne se rapproche du microbiote normal. À 21 jours, déjà, on voit qu'il y a un rééquilibre. Et puis, à 9 mois, ces bactéries indésirables ne sont plus du tout présentes chez les bébés césariennes. Mais il va falloir maintenant bien regarder quand même quelles sont les conséquences cliniques de ce déficit de Bacteroides et de cet excès de pathogènes sur le système immunitaire qui est en plein développement à ce moment-là. Donc, on est toujours un peu dans le brouillard sur ce qu'il faudrait faire, mais ça avance un peu sur le fond des connaissances. Sophie Becherel, le microbiote est au cœur de plus en plus d'études. Hein, ça, aujourd'hui. C'est un océan, un univers qui s'ouvre. Un océan de bactéries. Non, mais c'est intéressant parce qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que le microbiote maternel, puisqu'il est exactement le même chez le bébé, né par voie basse, est-ce que si on a un mauvais microbiote, si la future maman a un mauvais microbiote, est-ce que son enfant aura aussi une faiblesse de ce côté-là ? Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, dans cette étude, ils ont aussi étudié les mères qui avaient été sous traitement antibiotique avant la naissance. Et on voit aussi un effet sur la flore intestinale des bébés. Vous allez inquiéter les futures mamans avec cette étude. On le rappelle, tout ça, ce rééquilibre, c'est très mouvant un microbiote. Hein. Oui. Et puis non, la césarienne, ça peut être une excellente solution quand même. Certains cas. Il suffit d'allaiter, savoir, mais tout ça d'équerre. Alors, je pensais que c'était plutôt une hutte. Alors, vous avez creusé. Alors, quand j'ai, au bout de 2 heures de travail, j'ai vu tout de suite que c'était sur un tumulus. Alors, de là, on a continué. Et c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Puis un beau jour, vous avez découvert l'anse du vase, d'abord, je crois, non ? L'anse du vase, oui. Quand on a trouvé l'anse, on voulait essayer de le retirer tout de suite. Mais on n'a pas pu, parce qu'on tirait une pierre à 3 mètres de profondeur. On tirait une pierre à 10. Alors j'ai dit, c'est pas possible, alors on a nettoyé toute la chambre. Maurice Moisson, agriculteur, qui a découvert en 1953, sur la commune de Côte d'Or, en Bourgogne, les premiers éléments d'un site archéologique remarquable, sur lequel on a mis au jour une tombe de princesse Celle, qui a défrayé la chronique. Et Sophie Bécherel, 66 ans après, de nouvelles fouilles sont entreprises sur le site. Oui, ce sont les archéologues de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, qui depuis le 20 août sont à pied d'œuvre. La tombe de la Dame de Vix, c'est l'un des trésors nationaux. Et Maurice Moisson, que vous venez d'entendre, est entré dans l'histoire très rapidement. Parce qu'effectivement, c'est en se promenant dans les champs qu'il a vu qu'il y avait un nombre inhabituel de pierres à un endroit, en l'occurrence au pied du mont Lassois, près du village de Vix, qu'il devait y avoir quelque chose d'anormal puisque c'était un terrain argileux. Et là, à ce moment-là, comme il n'a pas forcément toutes les compétences, il va chercher René Geoffroy, qui est alors président de la société d'archéologie locale, et ensemble, ils creusent cette fameuse tranchée dont il parle. Et là, donc, il tombe sur d'abord des objets, et puis ensuite, ce qui s'avérera une tombe datant de 500 ans avant notre ère. Alors d'abord, il y a cet énorme vase grec qu'on appelle un cratère, dont il parle. Il est en bronze, délicatement orné avec des gorgones sur les hanches et des soldats conduisant des chars sur le col. C'est le plus gros vase en bronze jamais découvert. Il pouvait contenir 1100 litres de liquide, du vin à l'époque, mêlé avec de l'eau et des épices. Mais ça paraît un peu incroyable hein, qu'ils aient fait ça un peu presque dans leur coin, vous avez l'air de dire, ces premières fouilles. Pas vraiment, ils ont creusé pour voir pourquoi il y avait ces pierres, et puis voilà, à force de creuser, ils tombent sur cette anse, et quand vous tombez sur un petit bout de quelque chose, la curiosité vous amène à faire plus. Mais du coup, ils ont trouvé énormément d'autres choses. D'autres objets ont été découverts alors, dans cette tombe. Les roues d'un char, qui apparemment devait faire office de corbillard, un squelette, et une panoplie d'attributs féminins. Il y avait notamment des bijoux, des bracelets, des fibules, des vases étrusques, des onokoé, ces pichets à vin grec, et puis un magnifique torque. Vous savez, ce sont ces colliers rigides en or. Celui-là pèse 480 grammes. Toutes ces pièces sont d'ailleurs aujourd'hui exposées au musée du Pays Châtillonnais. Et assez vite, on a compris la valeur de ces objets. Et puis, les archéologues les ont attribués à une personne de l'aristocratie celte, une reine, une princesse vraisemblablement, et c'est pourquoi ce trésor s'appelle le tombeau de la Dame de Vix, parce que voilà, ça n'était pas n'importe quelle personne. Et on peut voir ces éléments dans le musée du Pays Châtillonnais. Voilà, et surtout on se dit que peut-être on va trouver autre chose, car en effet, depuis quelques jours... Oui, les fouilles ont réouvert. Voilà, une équipe de l'INRAP recommence, réexamine ce tombeau. Parce qu'il y a 60 ans, on ne fouillait pas avec le même soin qu'aujourd'hui, ni avec la même rigueur, et puis comme ils avaient eu une météo exécrable à l'époque, Maurice Moisson et René Geoffroy avaient relevé tous les objets rapidement, mais si vous voulez, ils n'avaient pas procédé au relevé des éléments de contexte. Et aujourd'hui, c'est ce que savent très bien faire les archéologues. Peut-être que cette fouille ne sera pas aussi exceptionnelle, il n'y aura pas autant de beaux trésors à trouver. Néanmoins, les archéologues vont pouvoir reconstituer la forme, la grandeur précise de la tombe, son organisation, l'agencement de toutes les pierres, car il y a énormément de grosses pierres, et peut-être même qu'ils trouveront d'autres tombes, d'autres personnes enterrées à proximité. On verra cela, cela va durer jusqu'à mi-novembre. En tout cas, à cet endroit-là, vivaient donc des Celtes, et la proximité à la fois du Rhin et du Rhône montre à quel point les échanges avec le monde méditerranéen et le choix pour ces pièces très belles ont influencé ce groupe de population. Mais Sophie Bécherel, pourquoi a-t-on attendu 66 ans pour retourner fouiller ce site exceptionnel ? Il faut des budgets, et là c'est quand même une fouille de 300 000 euros qui s'annonce, ça n'est pas rien. Et puis on a trouvé il y a quelques années un autre trésor de la même époque, d'une autre princesse, le tombeau du prince de Lavaux. Et voilà, les fouilles, on n'avait pas de nécessité jusque-là de revenir sur la tombe de la Dame de Vix. Là, c'est parce que je pense qu'on a eu un budget, et puis on se dit que peut-être il reste des choses. À votre avis, pourquoi apprend-on à lire ? Alors, c'est pour ça. Vous levez le doigt, vous levez le doigt, parce que c'est pour raconter une histoire à quelqu'un. Oui, Patrice ? Pour se tromper pour les stations de métro. Oui. Si quelqu'un qui ne sait pas lire, ben on lui raconte une histoire. Cécile, des chercheurs se sont intéressés à la façon dont l'apprentissage de la lecture modifie le cerveau. Oui Daniel, ce sont des neurolinguistes de Suisse et des Pays-Bas qui ont cherché à mesurer si apprendre à lire nous contraignait à désapprendre autre chose. C'est une bonne question à se poser parce que le cerveau a une taille limitée et la lecture et l'écriture sont des inventions culturelles récentes dans l'histoire de l'évolution. Elles sont très importantes aujourd'hui pour les Homo sapiens que nous sommes, mais nous n'avons pas encore, de zone dans le cerveau qui soit de manière librairie née dédiée à cette fonction, alors que nous en avons une pour le langage, par exemple. Donc au fur et à mesure de l'apprentissage de la lecture, il y a une zone qu'on appelle région de la forme visuelle des mots qui se spécialise dans cette fonction à partir de processus cognitifs existants, incluant la mémoire de travail et le contrôle oculomoteur, par exemple, pour le déplacement précis du regard. Donc, pour apprendre, nous recyclons des fonctions cognitives préexistantes. Et ce recyclage se fait au détriment de quelle autre fonction cérébrale ? Puisque ça doit occuper une autre place, une autre zone du cerveau. Voilà, alors on pouvait penser que cela se faisait au détriment d'autres fonctions visuelles, comme la reconnaissance des visages, qui nous est parfaitement naturelle, mais qui en fait est assez exigeante cognitivement. Donc la reconnaissance des visages et des objets en général d'ailleurs. Alors pour le savoir, les neurolinguistes ont étudié 80 personnes d'une zone rurale du nord de l'Inde qui présentaient l'avantage d'être un groupe homogène d'un point de vue socio-économique, mais avec des grandes disparités en termes d'alphabétisation. Il y avait des personnes complètement analphabètes et des lecteurs aguerris. Donc ils ont placé ces sujets d'études dans un IRM et ont observé leur cerveau, tandis qu'ils regardaient des lettres, des phrases, des visages, des maisons ou des outils. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'au lieu de cannibaliser des fonctions voisines, la zone visuelle qui se spécialise dans la lecture reste très bien stimulée par la reconnaissance des visages ou d'autres objets. Encore mieux, il semblerait que l'alphabétisation ait un effet positif sur le reste des fonctions visuelles, puisque davantage de zones cervicales sont stimulées par la vision d'images chez les lecteurs, chez les bons lecteurs que chez les illettrés. Donc en fait, apprendre à lire est bon à tout point de vue, ça affûte les capacités de traitement visuel du cerveau et ça a un impact positif sur l'ensemble des fonctions visuelles. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour une période de rentrée scolaire, même si vraisemblablement il y a peu de parents qui s'inquiétaient des conséquences désastreuses de la lecture sur le cerveau de leurs enfants. C'est ça, Sophie, on n'était pas franchement inquiet sur l'idée que l'apprentissage de la lecture pourrait nous rendre moins intelligents ou diminuer d'autres capacités cognitives. Non, on n'avait pas cette idée-là. Ouais, voilà. Bon, mais on aurait pu, parce que par exemple, on dit que quand on apprend les mathématiques, on perd le sens de l'orientation. Il y a eu des études sur des peuples en Amazonie, je crois, qui disaient ça, que pour apprendre à compter, ouais, il fallait oublier un peu son sens de l'orientation. Donc, je ne sais pas si ça va résister à cette nouvelle idée, du coup. Et dans le reste de l'actualité scientifique, Sophie Bécherel, la lumière au service des économistes. Oui, vous les avez sûrement déjà vues, ces images de nuit de la Terre prises depuis l'espace. Elles permettent de mesurer l'intensité lumineuse sur le globe. On voit apparaître des masses blanches, évidemment celles des mégapoles. Et on peut aisément détecter les champions de l'éclairage nocturne en Europe. Vous savez que la Belgique se distingue. Elle, c'est une tache blanche absolument étonnante. Très lumineuse. Eh bien, les économistes utilisent désormais cette intensité lumineuse parce qu'ils se sont aperçus qu'elle correspond assez bien au niveau de développement des pays. Des images nocturnes de la péninsule coréenne surprennent évidemment par le contraste entre le nord et le sud, totalement plongé dans le noir, le nord. On voit aussi les effets dévastateurs de la guerre et c'est ainsi que la NASA a publié des images entre 2012 et 2016 où on voit les destructions au Moyen-Orient. Pour l'économiste Xiaxiong Yao, à l'origine de cette approche, l'analyse des images satellites de la Terre pendant la nuit permet désormais de mesurer très finement l'activité économique et selon lui, c'est devenu une aide pour mesurer le PIB. Et Cécile Bonneau, une nouvelle hypothèse sur la disparition des hommes de Néandertal. Oui, vous savez qu'il y a un nombre délirant d'hypothèses, oui, pour expliquer la disparition de nos frères néandertaliens il y a 40 000 ans. Ils auraient été exterminés par Sapiens, décimés par un pathogène, tués par un supervolcan, ils auraient succombé à la maladie de la vache folle, ils auraient été carbonisés par les UV ou péri par manque d'oméga 3. Bon, là, des chercheurs américains ont eu l'idée que je pense personne n'avait vu venir. Ils auraient été ravagés par une épidémie d'otite. Mais c'est sérieux ? Eh ben, je sais pas trop. Les chercheurs ont quand même une bonne raison d'invoquer cette hypothèse. Ils ont reconstitué la trompe de Stache, c'est-à-dire le tube auditif des Néandertaliens, et se sont rendus compte qu'anatomiquement, elle ressemblait beaucoup à celle des enfants, elle retient plus les bactéries en fait. Chez les sapiens, la trompe de Stache évolue avec la maturité, alors que chez les Néandertaliens, elle reste anatomiquement égale à celle des enfants. Donc en fait, les chercheurs pensent que ça pouvait être très handicapant d'avoir des otites à répétition quand on est adulte, affaiblir les populations et conduire à la disparition de l'Intertal. Peut-être pas si saugrenu que ça. Sophie Bécherel, demain dans Interception, vous nous emmenez à bord du voilier Tara. Oui, qui en ce moment se trouve à Monaco où les experts du GIEC sont réunis. Ils vont publier mercredi prochain le premier rapport consacré uniquement à l'océan. Et Tara, depuis juin de cette année, remonte 10 des plus grands fleuves européens sur la piste du plastique. L'idée étant d'essayer de comprendre comment le plastique va de la Terre à la mer. mer, sachant qu'une très grande partie transite par les fleuves et déjà sous forme de micro-débris, de micro voire nanoplastiques. C'est ce que cherche en ce moment Tara. À découvrir donc demain dans Interception sur France Inter à 9h10 ou quand vous voulez en podcast. Et Cécile Bonneau, au sommaire du dernier hors-série de Science et Vie en kiosque. On s'est amusé à poser des questions un peu délirantes aux scientifiques. Et si les dinosaures n'avaient pas disparu? Et si on se reproduisait sans sexualité? Et si une super éruption advenait? Voilà, donc 30 histoires qui défient l'imagination des scientifiques. Merci Cécile Bonneau et Sophie Becherel. Après le flash de 16h, nous partirons explorer les gigantesques cratères d'impact que l'on trouve à la surface du globe avec le planétologue Sylvain Boulet. Ce sont des astéroïdes qui ont formé ces cratères en s'écrasant sur Terre. Cela ne fait que quelques décennies que les scientifiques ont identifié ces structures géologiques qui témoignent du percutant passé de notre planète. Et Sylvain Boulet nous dira comment, en étudiant ces cicatrices, les chercheurs parviennent à reconstituer le scénario de ces collisions cataclysmiques. Est-ce que vous avez une idée précise du risque ? Le risque ? Il est total, monsieur. C'est ce que nous appelons un exterminateur. La fin de l'humanité. Où qu'ils viennent à s'écraser, rien n'y survivra, même pas une bactérie. Mon Dieu. Ah! C'était Dreams de Fleetwood Mac sur France Inter. Et juste après le flash, chute d'astéroïdes et cratères d'impact au menu de notre discussion avec le planétologue Sylvain Boulet.